Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Tous les amis de partout où vous vous trouvez, nos salutations les plus distinguées. Nous disons, nous sommes de cœur avec vous comme vous êtes de cœur avec nous. Beaucoup de gens avaient posé mille et une questions pour savoir si Maman Mujinga, dont on fait passer les messages des très courts métrages, était une personne qui existe réellement. Je vous dis oui, Maman Mujinga est à ma droite et nous allons nous entretenir. Nous allons faire une randonnée pour pouvoir toucher plusieurs points qui concernent notre République démocratique du Congo. Je sais que l'actualité qui parle d'elle-même n'a qu'un seul point qui a secoué la volonté nationale, n'a qu'un seul point qui voulait diviser les volontés multiples qu'exprime la population congolaise à travers le monde, c'est l'histoire Banya-Moulengue. Est-ce que Félix Tshisekedi avait tort de vous dire que les Banya-Moulengue sont des Congolais, avait raison de le dire ou pas? Est-ce que le moment était propice qu'il vous le dise? Parce que depuis qu'il a fait son périple passant par la Belgique, la France, l'Allemagne, il n'est pas arrivé à dire que les Banya-Moulengue, ce sont des Congolais. Maintenant qu'il l'a dit, a-t-il tort? A-t-il raison? S'il a tort, c'est sur quelle plage de la question? S'il a raison, c'est de quel côté? Nous allons essayer de parler avec Maman Pauline Mujinga, qui, en ce moment précis, au plateau de notre chaîne de télévision Kadiombo TV, représente toutes les femmes du Congo. Quand on dit représente toutes les femmes du Congo, bien sûr que oui, vous pouvez dire, mais elle ne nous a pas consultés pour parler à notre nom. Ici intervient directement la notion de droit. C'est un cours qui m'avait été donné par le professeur Toussaint Chilombo de PPRD. Et je crois avoir discuté avec lui longuement sur la question de la volonté nationale et la volonté populaire. Une volonté populaire, c'est tous les points de vue que vous avez chacun. Mais la volonté nationale, c'est que tout le monde se reconnaît dans une députation. C'est comme à l'instant où je parle, toutes les femmes se reconnaissent en Maman Pauline Mujinga. Bonjour. Bonjour, Papa Kadiombo. Onaya kusema Swahili. Kiloko. Kiloko. Mm-hmm. Chiluba. Chiluba. Lingala. Lingala, Kikongo. Mm. Français. Voilà. Bon. Batubaza habitué à kolanda biso na Lingala. C'est pas mal. Si vous avez encore du temps, comme vous êtes en vacances ici, vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous êtes venu voir toute la famille, elle est nombreuse. Donc, qui peut constater l'émission Mokona Chiluba? Parce que vous êtes Mouluba, vous. Oui, et fier de l'être. Merci beaucoup. Merci. Au Kendegi, à Londres, au Yamba, président de la République. Tout d'abord, on apprécie merci Ming Nandingo Yambinga Awa. On apprécie merci Nabandeko Nyos, Oye Bazako Landaviso, la chaîne Ya Papa Kadiombo TV. Merci Ming Nabipa Nyos, Bino Bozoami. Donc. Merci Penayo, merci Penandeko Yazana Kamera. Donc, Ngaï n'a qu'à Londres été. Parce qu'il n'a Zalia. D'accord. Voilà. Parce que Yo Zaliawa, Oyaki, au fond de Paris, mais Oyaki, pendant que le président Félix allait à Londres. D'accord. Aux yeux Sangonengenine à Londres. Apparemment, on a là qui était dans la couture Miso Rouge. Et Zanine. Bon, Bisso Toza, activiste quand même, il y a beaucoup de Bisso. Toza, Nazako. Naza na association moko oye ngai naza présidente comme nango soyons solidaires au-delà de frontières. Soyons solidaires au-delà de frontières. Donc toza solidaire. Si je comprends bien déjà, oui. On permettre ngai et bomi régionalisme koufi et bomi racisme et bomi xénophobie et bomi nous sommes tous les enfants de la terre. Tout à fait. Merci. Donc bisonyo toza bana ya mukili. Bah aide nabiso na kati association wana ezoke ne pa inyoso et suki kaka na France ezika to vendité et suki kaka na Congo a isika ngai nazali mwana mboka te ezoke ne pa inyoso nazako lo basu pona association ya biso ya fachi solution Fatih Solution. Voilà. Donc, les aïs, c'est mon côté Botama depuis 1er décembre. Mm. Donc, bureau n'a pas limité. Mm. Mais tout ça, quand même, déjà, dans les médias. Mm-hmm. Donc, Bandeko Bazaï, qu'on a à Londres, on va faire une nouvelle. Il y a Londres. Bon, ça, dans les médias. Chez moi, il n'y a pas de tabou. Hein? Oui. Je suis sur la chaîne de télévision, je suis sur la chaîne de télévision, je suis sur la télévision. Publicité gratuite, non. C'est la légèreté. Oui. Vous êtes dans les médias. Par quelle chaîne de télévision? Par quel confrère qui fait le métier que je fais? Bon, jusqu'à aujourd'hui, tout ça, papa Dona, Maître Dona. Maître Dona. Oui, il y a Congo Soukissa. Ah, donc, Congo Soukissa. Il y a Moutou, à Koufa qui est Mongolo, au Tobimaki. Donc, tout ça, qui est à Aerotech. Bangopé, par le Kabilin, à Bissot. Tout ça, qui est à Yoka son père Yaki. Tout ça, qui est donc à Tomisato. Pour papa César, tu as qui contact naïe, maintenant nous vraiment tous les temps il y a César Ngadi. Oui, papa César Ngadi. Bon, dans l'entretemps, parce que sorti officiel dans le salimité. Dans le salimité. Au cours autant que l'engagement membre jusque là bas au Bazali, pas beaucoup, mais au Yobozo supposé qu'on allait d'abord baso piloter pour que bah élection il y a que ça les maintenant comme nous sommes posés banane. D'accord, merci Mingi. Tu as la maman Brigitte Kabeya. Et puis, je suis en train de faire tout ça. Je suis en train de faire tout ça. Je suis en train de faire tout ça. Papa messager, je suis en train de faire. Maman Julie Mujinga. Maman Pelagie Azali. Maman Tete Azali. Maman Konga Bazali. Maman Julie Wangaja. Maman Charlotte, maman Marie-Jo, maman Nicole, maman, oh là là, maman Bazé Bélé. Belle sœur, n'a pas en quantité. Maman Eugénie. Azan en quantité. Azan en quantité. Azan en quantité. Ah, ok, c'est bon. Alors. Ba maman Ming Bazan, ba maman, n'a pas autant à Bakombo, n'a pas ce qui est. N'a pas sa immunité, ba maman, ya. Ba membre. Fatih Solution. Membre. Parce que, maman Fatih Solution, tout ça, ba membre, y association. Fatih Solution. D'accord. Maintenant, Bolingibozala, naibi que to batubazu zela makambo oto lobi abanyamulenge, na mususu tokolobelango, pas à la précédente. Oui. Na association ana, objectif sur nabino zanine. Alors, merci mingi pour la mutunana. Na association ana, objectif nabiso tozo landaka ka vision ya mokonzi ya mboka parce que tolobela ki yango pe. Donc vision ya mokonzi ya mboka o ezali que ba devise na ye ezaki lutte contre la pauvreté. Lutte contre l'injustice, l'inégalité, tout le ça. Tribalisme. Le tribalisme et tout ça. Donc, tout ça, c'est ma naïe, côté ça y est, ma boko. Sans oublier, il n'y a pas longtemps, tu écoutes une maman, il y a Fofat. Fofat, c'est la fondation. Moussousou. Moussousou, il y a Félix. Donc, maman Fidéline, na maman Zozo, il y a qui est à Paris, il y a Nabusso, tout cela, il y a un partenariat. Donc, mes collègues, dans le bureau, il y a parce que nous sommes en tant que simple membre. Bureau n'a pas de tant que nous sommes très attitrés, voilà. Il y a un rôle de rôle. Pour l'instant, nous avons présenté, nous avons représenté les membres de l'association Fatih Solution. Nous sommes en vacances. Mes collègues, maman, nous sommes en vacances. À chaque fois, nous sommes en vacances. Nous sommes en parce que tout le monde a un partenariat, ce que nous avons tout travailler en ayo. Pas de problème. Parce que nous sommes beaucoup en parce que dans le lobby, la vision de mon cas, na lit wana contre ba ya pauvreté to lobaki ke pauvreté ezaka ka ko kenela wo ndeko sesa batute biso toza kolkande ko pesa misala. Très bien. Tokozongela parce que bosale nanu ba election te po bozala na comité oyo to banda ko yamba de temps en temps. Mais dans l'entretemps, nous allons commencer à parler avec les messagers. Hein? Nous allons les messagers à Wanda Benga pour intervenir au cours de l'émission. Mais yo zawana. Namuna ki image moko ba tinderinga fi moko ya pembe ki toko makasi. Azola ba ofachi a trahir ngai. Pourquoi lobi ke ba nyamulenge ba za ba congolais abenga ngo trahison. Oyebi ndenge bozana diaspora vous avez beaucoup travaillé en envoyant l'argent, botindi ba mitu ka la transport. Ce que je vois ici comme transport, il y a l'état, il y a rien. Il y Eze abino diaspora ndi bosali ke transport eza na Kinshasa. E na yoka kamabe tango mutazo finga wa kimbambala. Me ya sika oyo biso to yake nango eza te. Tango ba diaspora baza kotinda lo bara bango merci. Diaspora e komi awa basali si bande ko batongeli bango banda ku fuza beaucoup travailler la diaspora. Mais apparemment vous êtes le plus divisé. Et par moment nous avons peur de vous. Façon bozo agir, il fallait bien vous en maîtrise parce que vous en avez beaucoup au démocratie et fanda kala et si la politique est presque à la portée de beaucoup de gens. Yo lo bini na makambwana. Merci mingi pour la question Anna. Bon, c'est vrai au yo lobby que diaspora salimingi. Diaspora salimingi. Parce que nga personnellement na commune en France na ba années 80. Donc na zo ke na ba 40 ans siko lo. On a ko ki ça na poto. To salimingi à l'époque to yaki. Na époque à Mobutu, mboka na fisa ki lo mo kote. Ba to bazaye ko faire vivre mboka na fisa la ki ba bazaye na diaspora. Parce que to ko ekoti ka ba famille na bisoté. À chaque fois to zaye ko s'assurer que ba famille na biso ba na quelque chose, ba la nyoso to zaye ko ça. Ti lelo to za ko continuer ata bazolo baboyé ata bazolo ba ke bakimbambala mais kimbambala na yango mutu il est si quand même batou yango mutu il est si ba famille pour c'est vrai to zipe ba déception et belé ouais en recote en séjour wana ti tokende tokende mbangu po so toke kuna division po na ngai personnellement na moins division ezati non non. Vous êtes divisé à l'heure qu'il est sur les questions Banyamulenge. Oui, sur certains c'est là points, où je c'est suis. Pour ça que j'ai dit tout ça divisé tes bateaux diaspora parce que ceux qui les lolo quand vous étaient mis président on voit là il y a pas de problème pas dire que on peut avoir des opinions différentes c'est là où on est toza nde ba congolais na zozo na question na kolinga ko polémique mingi la cité mais na lingi koloba na oyo ngai na ko ressentir mama oyo alobi pona mama oyo alobi ke Félix a trahi rien bon aza peut-être na raison na ye na habité sur quel plan pour Félix a trahi rien. Na ko comprendre rien. Bon, ce qui m'ta bingai na dans l'habitude que soli kambo ezali fona nous na kanisa que je me positionne, me questionne. Au temps. Ya ko tika na lumutu parce que na moyen que biso bande on a biso bazana habitude que au bandi koloba na no sili si phrase na yote ba récupérer ba momi ba les misa tu ya bandeli ya phrase na yo. C'est fini. Pas que polémique na. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Si la moto tant à l'oba a kende ti na suka ya likanisi na ye après yo soko yoki au vandi au kanisi au bandi ko analyser après on me pose question déclarer. Avant déclarer on me pose question lobby mais message ni na ngai ko faire passer na place wana qu'est-ce que je dois comprendre est-ce que message wana soko ko comprendre message wana si ko ko mitu na message wana ezan na ndenge ya positif ou bien ezan na ndenge ya négatif moi je pense que c'est ça. Le problème est là. Parce que nous sommes Congolais, on ne se donne pas le temps à réfléchir. Nous avons dit que nous avons inventé de toutes parts, nous avons dit que nous avons sans pour autant que nous avons une source. Nous avons dit que nous avons une source. Il faut toujours trouver des circonstances atténuantes dans nous avons dit que nous avons une force tout de suite parce que nous avons une force. Je reviens toujours à Banyamulenge. D'après ba makamunga na moni parce que tout ça c'est documenté. Ba ndeko wana ba komi na kati ya Congo en année 30. L'année si 30. J'ai bien compris. En année 30. Ouais. Kalamingi te basoko ki sa 100 ans ya existence na bango na kati ya Congo. Biso bato ba congolais. To yamba ba to makasi, to yambi ba to mingi na mboka na biso. Biso to buta to bota mi to kuti déjà ba be pa na mboka na biso. Hein? Bazaye ko vivre na biso tranquillement. Problème est à la quitter. Bandinga riba ye ba kei banani toute personne toute nationalité ba vanda ki namboko. Problème est à la quitter ni compris bango moko bande ko na biso wana. Problème est à la quitter. Ngai nazo mi poser question na boy. Ndenge nini to komi na makambo oyo. Comment on en est arrivé là? Avec les Banyamulenge spécialement. Spécialement. Mais question na yonde oyo zo touche ngai. Na kende boy. Ba bande ko na biso ba koti. To vandi na bango problème ezate mingi ba botami ba to sangana problème ezala kite nga na opese exemple ba exemple na wese belé nga na vandi na France na za nationalité française apese nga nationalité nga na ome na France te na komika na komi ane moko na na vie nationalité na kokile loyo na kende kolobake ah lokwa na vandi na France ça fait longtemps bana ba botamia wa il faut bosa partie moko et comme partie ya yangai non je ne peux pas demander ça c'est ça l'erreur de Benyamulenge voilà ngai na kanisi que là parce que là aujourd'hui batumingi batumusu na zoka bazoloba bazo condamné ba congolais bon nous ba condamné ba congolais te pourquoi ba congolais ba niko réclamer wana Banyamulenge bandeko wana est-ce que me poser question pourquoi to comme jusque là Est-ce que bamituni déjà que tant mususu makamana bango pe ba provoquer que ezana niveau wana pourquoi to zoba na batu mususu tranquille to banaka na bango ngai lokwa na zabo na sominda kuna na France na tuta ka ba impona na France en aucun cas na lo basiko bo pe sanga sikoyo mabelo ko mayangai non okomo ko nomena ba chef kutime non je ne peux pas faire ça bayibi ke na ko sala ngote bayibi ke ponini mujinga C'est une Française de nationalité congolaise. Cela veut dire, aux gens qui ont été à tout moment, ils ont été en nationalité. À tout moment, ils ont été en infraction. Ils ont été en infraction. Ils ont été en République. Nous ajoutons, Maman Mujinga, parce qu'il ne faut pas que tout soit en zone d'ombre. Dans l'article, ordonnance, loi, où ils ont été en 1971, ils ont commis ouvertement. Que Mobutu, et ça article mon con, a pesi nationalité na ba Burundi na ba Rwande, ba komi ba Congolais, ba koma ki ba Zaïrois. Cela n'a pas donné droit, ya batoyo komi benga, que ba koko na biso, que ma belle oza ya biso. Non, vous pouvez vivre comme tous les autres Congolais qui sont à Paris, qui sont à Bruxelles, qui sont à Lausanne, qui sont partout. Aza Suisse. Mais Aza n'a pas droit civique moko, mais pas trop politique comme les autres. Oui. Parce que Aza limité quelque part. Bien sûr. Peut-être que Aza a difficulté à Koloba. Pourquoi Banyamulenge a eu problème? Moi, je voudrais ajouter ceci. Banyamulenge a eu Congolais, oui. Comment Mobutu n'a pas eu de nationalité n'a pas eu de Zamboko. Bazo bosana bango bao bapisa ki bango nationalité. Et papa nga na zana ndé na lobby makambo ndengo pe poser nga question. Eza ndenge ngai na ozonga ya likambona te. Ngai na lobali kambo tozana ngo lelo. Il n'y a pas de problème. Lobby que Félix a lobby Banyamulenge baza ba congolais bato bakami ko ko extrapoler nango ko polémique nango. Banyamulenge soki Banyamulenge boza ba congolais oui sur les papiers. Parce que nga na vaina France kuna. Bato mususu na France baza ba uta ba bipai na bipai. Surtout na métier na ngai okutaka bato mususu ngai mes grands-parents étaient venus à telle na époque boy. Mes grands-parents étaient venus à époque boy. Ba yebi place ba uta. Jamais ba obosa na place ba uta. Mais ba ça quand même ba français. Mamu jina na zone ngana chevalaise. Ce sont mes propos qui n'engagent que moi et ma télévision. Ah oui. J'ai dit ouvertement Si le Rwandais a été en 1994, il a été en 1994. Je suis là. J'étais plus là. Il a été en 1994, chef de sécurité a été en Rwanda Zamboko. Et il sait, il l'a dit. Tant qu'on est en Rwanda, il n'y a pas de balkaniser. Parce qu'il y a un plan où il y a un plan où il y a un Rwandais en Rwanda Zamboko. Nous avons les images, tant qu'on est en tout ça. Tango ba kota ki erreur ya liboso ememi trouble ya liboso za ke tango refugia zoya refugia ko kota na arme te mais il s'est fait que arme mobimba ya biarimana e kota kandenge wana c'était pas mal mobuto ya mbaki bango kengo tango alobi ya longo la bango mobuto alobaki tika bango France aboyi il faut que le bakaye loko wana ils sont restés il n'y avait pas encore de problème avènement ya Afdel avec Laurent Désiré Kaka tango balobaki na kisasa moi j'étais ici j'étais à l'hôtel Tava ba yebisa bango no bofuta bango bazonga ba oba lingi kotikala na vie civile na kisasa to partout na Congo batikala ba oba kolinga bazalaka ba militaire solde yango yo bazonga na roi na Rwanda babimisi guerre c'est que banyamulenge bango moko na territoire bazala territoire te na commune rurale minembwe bango nyonso bazali ba armée te ezana bandeko na bango babimisaka mitu bakoti na jewana nde likambo ya bandeko etouche batunyo nyonso comme par exemple on a toujours dit muyaka moko afikisi bayaka nyonso nde boye balobaka awa est-ce que bayaka nyonso basalaki makambo oyo basalaki c'est-à-dire il y a des chefs c'est ainsi à l'heure qu'il est je vous informe banyamulenge bakendeki kotala cardinal Ambongo basololi na ye na kotya foto wana balobi bango moko balobi hein nous tous nous ne sommes pas des politiques bandeko na biso moko basalaki makambo wana bazali nous les désavouons laissez-nous vivre et vendre nos vaches nous-mêmes. Mais quelque part, ce que nous avons fait, c'est que nous avons dit, vous n'allez pas exiger de vivre vous tous dans le monde. Non, pas du tout. Parce que j'avais vu même d'autres Benyamulenge qui étaient dans l'armée, qui refusaient l'imitation. Comme ils sont autorisés, on a comme un secteur. Là, c'est dangereux. Mais ceux qui sont congolais, et si ils sont tranquillement. Exemple. Nani akola kisangana kisha sawa munyamulenge moko bazolande na sima beti mabanga. Mutute kasi yaunga na zolo bake soki ovandi ne pa ibatu bayambiyo batunde ba komisio eloko yo zawana. Reconnaissance ezani. O bana soko po mabatongo. Eza kwanga na vani na ndako na mutaza na nzela azangi azange pa okende kina pa en toi na yambiye na pesi et toi. Tala zona nu chambre yo bana bazate bake vacances par exemple o lala na na tanda. Tout le monde a moyen de se faire. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Pourquoi tu as tribu Mokoana. Pourquoi Ndenka to solo bela? Parce que Ndena émission nga nazamu tout monde nako réfléchir. J'essaie de comprendre, nako comprendre. Alors, bande on a pas tika ko polémique que oh Félix Salomi ça n'a rien, ça n'a pas de sens. Félix n'a pas donné la nationalité ya kuta kiambo. Félix a dit que Félix a si sa phrase na ye. Comme so batika ki. So batali bien na phrase wana. Oyo Félix a lobby. Ba ko mona bien que alinga ki a expliquer ba onde le kamomusu. Ta là par exemple à l'époque en France, service militaire est là. Il y a un moment donné, ce qui va coûter 18 ans, il le service militaire. Il y a France, les Français, les immigrés, les nationalités françaises, il y a 18 ans. Dès qu'il coûte 18 ans, il y a. Pourquoi? Pour la plaie pendant le bout de l'amboka, ce qui m'a dit tout ça. Mais si ko banana oyo baza ba naturaliser mukolo mungu nakuya ba ko se battre kaka pona mboka wana ba ko batte ko biso tozana biso bata ah te toza ba congolais to ko mi battre pona bino awa te ba ko mi battre pona congo non soko vanyi na mboko batu ba kayir yo ba pesi yo makam nyoso ba permettre oza na iloko yo zali reconnaissance ba bo vanda bien tranquillité ezala makam ko luka ko luka ko mi matisa ki ba mikolo place ba ko mi batu na se yo ko mi likolo non. Voilà, je voudrais répondre à la place à président Félix. Bah tout bas qu'il s'attend que ce qui président Félix a comme président de la République, bah la moque à Robomagnon soit couti. Non, ça ne se fait pas comme ça. A couta qui une ordonnance pour qu'il y ait le bac et Banyamulenge basé sous le Congolais, il faut abrogation, il faut bah abroger loi à Liboso, bah Bomayango. Tant que cette loi bah Bomayango te basa bah Congolais. Un, deux, sauf on va dire, ils sont congolais d'origine rwandaise. Et bango peba boya angote, c'est ça. Troisième élément, bato yo bakende ki kota la président Fati bango tout est que bazlinga ki. Même les infiltrés étaient dedans qui ont crié très fort. Pourquoi? Piège yango yo mama, j'ai eu tout le temps, moi, il a répondu en retard. Bazala ki cause la président Félix Aloba. Que Bazaba Congolais était pour que la communauté internationale ait joué déjà. Et on allait mettre ce message en boucle. Babo Sanate que, bah, opposant au Babunda qui pona ko wele la bokonzi entre Félix na Fayulu, Bazala qui na médianine, il y a Belgique, il y a France, ils ont qui ko couvrir candidat Moko. Ces gens-là attendent toujours. Ce qui a le bakaka que, non! baza ba congolais te ba kolongwa bazu yango, ça ça devrait être une épine dans le planque des pieds à Félix. Alinga qui a expliqué en côté, un chef de l'État ne peut pas dire ça. Jamais. Il est diplomate, hein, yeah, même si il ne peut il pas. A, même s'il a une opinion, oui. Mais à bon, il a la carte de diplomatie. Il faut le bas, dans la diplomatie, même s'il a une en dehors de diplomatie. Quand ils insistaient de poser cette question, est-ce que les Benyamulenge sont encore à Minembwe? Ça, je ne sais pas. Non, parce que maman, il m'a dit Balongola qui va. Vous comprenez? Est-ce que cette question méritait d'être posée dans la mesure où Mouto yatinda ki bango va se soulever mingi se ngwanda zamboko. Ayeba ki ke biso nde topesa ki bango nationalité. Pe ngwanda yebi très bien. Que po bako kakozala, bako ngole isu sute foko koma. Po bako mabalo ngola bango nationalité, ce n'est pas le chef de l'État qui décide. Eza, parlement na, na biso, parlement so ke fandi lobito kolongola. Nde bako bimisa, loi wana. D'où le président de la République ne pouvait pas. Atasoki aboyi bango, il ne peut pas dire na discours pamba boyeke baza bango te. Bato bazo lelalela balongola mawana bango eza na tina te. Ils n'ont pas compris le jeu qui devrait se passer par là. Ces gens sont en droit. Olobi baza ba congolais te bakena na mikanda ba na justice internationale. Boko expliquer nini? Et loko amunene olobi, nous ne prenons pas de temps de réfléchir, non, d'analyser. Nous sommes émotifs. Non, alors, bango plusieurs fois. Tu souffres des complexes d'infériorité. Tu non. Veux voir que, dire toujours que les blancs sont ceci. Oui, non. Les blancs prennent le temps de digérer. Pourquoi ils laissent le temps à quelqu'un de parler jusqu'à la fin? C'est pour qu'il se fasse comprendre. Oui. Après, quand je prends, je ne suis pas pressé de répondre. À moins que j'ai des preuves très tangibles et à l'instant. Sinon, je pars. N'analyser Titi Nayekosong répété, il avait raison ou bien il avait tort. Mais ici, Nayebi que ma belle automona, comportement y'a Banyamulenge, Bango Moko, Ndeba, ba joie qui n'a joué en communauté internationale, ba kouti bango n'a joué à ba minere, et puis ba comme mon aminé, pourquoi? Parce que, na pouvoir y'a Kabila, ba pesa ki bango ba titre y'a minene, ba y'a comment n'a que ba za plus congolais que les Congolais d'origine. C'était ça le problème. Ça ne vous engage pas, Zara, tranquille. Il faut que tu te calmes. Aujourd'hui, ils ont produit même un vice-président de la République, Roubero. Tout ça, là, ça a choqué les Congolais. Pourquoi? Parce que, bah, il élimina quand même Papa Tshisekedi pour placer lui. Et lui, quand ils sont entrés, l'erreur, Moussou, c'est ça qui a que, bah, commandant, Ebele, bah, comment qui a armé Bango? C'était une erreur grave. Parce qu'à ce moment-là, les Congolais se sont dit, ah, tiens. Bah, yé, bah, depuis, yé, biso. Non, non, non, non, non, il faut pas qu'il y ait. J'avais fait une émission où j'avais dit, Benyamulenge, comportez-vous comme par le passé. Bozala qui tranquille. Bon, mita la bino moko. Effectivement, bazo ko senga pardon à Tozoloba. Basi, basengi ango. Nous avons les images, nous avons tout. Lokola basi, basengi. Est-ce que nous allons passer tout notre temps à discuter là-dessus alors que nous avons un défi qui nous attend. Tel que votre association qui dit, nous allons devoir travailler sur contre les antivaleurs, lutter contre la pauvreté. Ne soyons pas distraits. Vous, les gens de Kivu qui êtes là, construisez Ebele na Minembwe. Vous avez donné un message pour que je vous pose une question. Congolais, revenez au pays, construisez. Pendant que vous ne construisez pas, les Indiens construisent en lieu et place Nabino. Boko sutuka 100 ans après, boko moko wela mabele. Maintenant, c'est quoi? Yo, osana makamoko lobaki. To tourner page, hein, to si te répondre. Ce qui va lingi, va qui ne va changer article. Bati ka Félix tranquille, voilà. Il est diplomate. Voilà, c'est tout. Basi ebele ba utaka na poto ba kabelo. Siko bako mo che kabelo ebele boye. Hein? Balati ba jean ba nini. Il faut qu'on sente vraiment que auti poto. Mais yo zo salango te pour quoi? Merci pour la question Anna. Na zo salango te pourquoi? Moi, je peux pas dire que naza différent na batum sosu mais niveau nanga ya réflexion na kan César le niveau mon côté. Là, je peux le dire. Parce que biloko nyonso na to sali yango, à la fin tu te rends compte que ça sert à rien. Ça te porte rien. Mokolo ale na minute to to sali awe, za minute ke mboka na mseke ne pe liboso ba tupe ba lobela ngoto ça appelle bien. Banani ba ko matisa mboko oyo. Basi. Ya wana ba ming ce qui attend attendi bon moi message na mike, na tinda mimi mpo na basi. Basi nde ba to ba ko pe sa valeur na mboko. Vous êtes sûr, vous, les femmes, vous êtes sûr. Est-ce que le comportement n'a pas été digne? Est-ce que vous... Parce que je suis tombé sur mon corps. Oui. Ça, c'est vrai. Oui. Mais quand je regarde la femme actuelle, ma, sincèrement, bon. À part Colata Mabelo, Colata Brésilienne, Colata, et le cognon, ce que vous vous êtes là-dedans, sauf ce qui est nécessaire à faire. Dernier, je vous ai dit, niveau de la réflexion est Kessani. Parce qu'un gars, il a un niveau de la réflexion, il a un lobby qui est. Biloko nyonso ça sert à rien. Parce que wana ezana onka ba matériel. To boite ozala bien zoto ezala bien. Nga nazo babo yata ba tumuso to sorana bango bande comme ça bango banke yo ozo ke ko soma ba biloko wana. Bambo nyonso zo dépenser. Na expliquer ka la mingi dans son habitat là. Explication na pesa ka ba exemple amike. Louis Vuitton, L'Oréal. Baza ba entreprise monko e banda depuis ce que 1800. Ti le leza ko continuer. Banani baza ko enrichir ba entreprise wana. Ezabiso. Soko tali bien biso banani précisément biso ba congolais ngane ba tumso c'est peut-être ba tumso ba camerounais ba ivoirien peut-être ba zosal mais ngane azole bela ba ndeko yangai ba congolais tu somba ka makasi il faut pas sentir que na lati Louis Vuitton ouais ça sert à rien ça sert à rien ça ne sert à rien le plus important dans la vie il faut en avoir un toit d'abord yango na zoba ba ndeko nanga un toit c'est plus que tout au monde ba tumso ba ya un toit est quoi compliqué ba tout un toit ndeni un toit exemple ko place ko vendre la ti place ko vendre ke il faut zala nanda ko so le bien toi c'est quoi ba ba ye bi pourquoi j'ai dit un toi non non il faut to lo baka to zala lingara po ba o baza wa pe ba profiter ba zala na mabele ba tonga ndako ozo mwana papa maka mon pese bele ba zala mo esika nde na lo baki na mbalu eleki ba to ba ndo na biso bele ba décevoir biso na kati mboko ocho lo bake biso nde te faire marcher mboka oyo. Ah vous avez beaucoup travaillé. Ah ba diaspora ba tambusi mboko ba pesi makambo ebele na mboko. Mais ba déception pe eleka ki papa. Ngai na oso na bato. Na kosa so na mutumi bale ya misato aza dessus. Mutumi ba mboko mi bale misato aza dessus. Biso te décevoir bino. Oui. Vous envoyez l'argent to lier to kanisi bobuka kana nzete. Voilà. Et puis d'un côté aussi. Attitude pe ya biso bato na biso. En tant que Congolais, moi, Congolais, à l'inca, ce qui a commis à Pessi, bah, tu as dit, ah, yo, ou, mais là, yo, on doit en ango. À l'inca, que Moutoumsou soit zoaté. Inconsciemment, il y a beaucoup de temps, ça y est, il y a eu le quoi, na te. Mais tant que tu as dit, ah, ou, mais là, ça l'a boy. À l'inca, il y a eu ce quoi, il y a eu le quoi, c'est pas attitude, il y a bien. Attitude, il y a qu'au partage. Yo, ça n'a moins loco. Ce qui est de moins loco, il y a aussi un gars. Parce que lui, ce mot, comme ça, esclave, le loyo, on a ni. Ni kamouke kopes, ni kamouke kopes. Bande comme ça, c'est pas na bango. Topesi bango pendo boboe. Pour baye bakarako, bango mongo baba pêche. Ah, ozo tambra na kishasa, ozo mona comment les Indiens sont organisés. Papa. Na loba kiango. Les Indiens bazaka organisé awate. Les Indiens bazaka organisé kuneska tozali. Ba Indien. Sri Lanka, ce qui nani, ce qui Pakistan, ce qui nani, ce qui a commis indien, ce qui a commis kaka na France. Ma mususu munoko mboka yebi angote, baza déjà na ndako. Pourquoi? Parce que bande eza ba chinois, batu nyonso asiatique. Batu ba sangsimbongo, communauté na sangsimbongo ezeli ndako. Ba ce qui a commis ba pakati so kuta ba na ndako. Wana ndeko mi important. C'est-à-dire bango bazo sala kende ko na ngo ayé, ba se cotiser. Va stabiliser, va stabiliser, yé. À travailler. À travailler. Il faut te protéger, ben, na biso. Parce que ce qu'on protège, moi, na, au PCIE, au faire comprendre que importance na yé, na ezandengenini, valeur na yé, ezandengenini, à qui de connu ma batunya sauter. Parce que na denga na yébé, na yoke na kinshasa wa. Ba maman moussou sonde batinde à kabana la maman bakinde. Pour pas jouer à poto. Ngai lokwa na vandia wa na za mama na bana jamais na ulba na bana ngai mwana nga mwasi kende pa mtu wani non non mwana il faut pesa e ba valeur o la ki sa ndinga ko se debouiller ye moko parce que soko la ki mwana ndinga ko se debouiller ye moko mutu aya ata ye na bambongo na ye azana ngo deja azana yo eloko yo zo ko pesa ngai na azana ngo deja Mais il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Mais au moins, ils ont été en train de se faire. Les lettres ont été en train de se faire. Et tout ça. Tout ça, banquette, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se Papa, et ça, quand tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit Mutumubali pa kuhuta nepe na kinche, na kuna na poto ayepe na ndenga bien esprit ya bien. Sérieux. Azui mwasi ya kena yekuna. Atomboki kuna. Atomboki. Mwa ba garçon msusu bazolela. Fini na mutuna ye, asasa lika akalikike, nako makana na poto. Abiko meni poto, esili ba garçon ba lelaka. Eza na ba sans nyoso mbali. Eza ka abato, o ba yeba, uta kakuna ba yakabo. Ma msusu pe mwona uti kuna, na mwasi nepa azo, ezo yoka nangote, azo ya wakanisike, ako zala mwa bien. Na peso eloko moko ya bien, mena otanga kombote sa en ami. Boza na raison de tous les deux côtés. Hein? To bunda po République et Téléma, comme nous tendons vers la fin de l'émission. Mwoninga nangayi ayakyawa. Nga yoyo. Eza, la bouche la famille tuwe de... Toki kuna oyo oh, yebiko leba il faut le ba pona bala po ba za ko zo abiso ba poto lokola ba aventurer na eko bala ya solo mi yo yebi ya za kamoninga na yo o yebi kuna vina eza kunde eska bali ou bien bali ke kana silis ah polina basi ya poto pona ko yeba ni mo to bangela ka vino ye yo kasi koyo tango ye na bite na koloba Abi mbona ye na bilambala ta atika nga na biko la ta kuleka. Niyo kwa accompagner te papa si tu ye biye deja ndenga zali. Kasi yo accompagner c'est que deja au coach na kati makamba. Kasi yo ka ndenga na kotaki. Ah on a zo confesser sali mabe. Papa yemba lo bakye hein. Bo sengi bido ya mai. Hein? Bo sengi kopo ya mai. To pisi bino bido to sali mabe. Bo sali mabe te. Ngai sko na zolo. Na bimbo c'est quelqu'un qui m'aide na momana na 98 Nazana nuna zako se recherche. Soko na budea wa lisusu. Ah. Akoko fina. Siku bakode eko limwa. Nabime, sois sérieux. C'est moi que tu engages. Abi mon cher. J'aime la fille même. Les parents sont très durs. Nabi tokendi. Toko mikuna mbanga oyo. Beta ma sese. Beta ma sese. Papa, j'ose taba. J'ose taba. Tu un bon gualibala, tu es un bon fille. L'ironie du sort, bah comme une apoto, fille à nous, colis garçon, garçon, le bien. Papa, ce n'est pas de ta faute, tu es un bon gualibala, tu es un bon souffrir, tu es un bon la police deux fois. La fille est très têtue. La fille fait ce qu'elle veut. Et là, comme on kaka, allons, on et tout ça. Ah, on a zoloba. Basi bakati lengai soki ba 500 mètres soki nini, elle est restée avec la maison. Na sala ni na bien bondela ye. Abondela, abondela, abondela. Au bout de 4 ans. Moi si azoki ba déception na mibali musa zoaki, azongi serbiro saka papa na bana. Abi kato morta sa nebi nga na za strategies. Ina mtu a politique. Bondela ye. Boya kutambola na Afrique. Ba bongi si ti na bana na ye African point akomika ka tozi passeport to tumbi yango na bo sali pe mabeti to sala ki mabeti to zo ki sali mabeti e i pourrait dans pour dans tant ba tumbi ka sili afandi mo bale abi mo ko funda hotel sili muto muto ke ndepa na bango na bien ke ndepa na bino azongi para mo si ba zongi pa na bango papa na ye compliqué ku vanda te zo avion Zon vion, zon y panayo. Où tu hôtel, how is that a place? Oh, tu colo, a tout me passe pour ou vanda. Le père était au courant de tout. Or, le père disait, ma fille ne pouvait pas. Kopengana moubali, kozomibali, mon sousou. Tant que la dot était encore là. Cette femme est ici, à Onazolo. Mais papa, tant qu'elle n'est pas tozon la paille. Bien, bon, vanda, la réalité, à ou exam sousou. Réalité, paye à poto, exam sousou. Nga za mutu moko na luba nangai basi bo ba koma ngando il faut tout na ya ona bi photo to avancer na ndinga réflexion basi oyo ba koma akuna ba komi ngando il faut bo tout na ba komi wana ndenge ni très important mi ba il pe ba koma ba komi ngando pourquoi ba komi wana ndenge ni le problème il faut que zo zanga biso les a ba réflexion wana ba mise to mitcha ba questionnement. C'est ça. Je pense que c'est un moteur. O tie likambu nga na nazamo lakisi na tangisaka. Na yebaka toujours na bato nga na tangisaka na bi likambu nyoso, il faut beau ça là, tableau côté positif côté négatif. So comme on dit que positif, ou est ça positif? Pese la ngo ba argument. Pourquoi est-ce positif? Ozo ba argument wana nde muto ko pesa on makase continuer na positif wana. Na négatif argumenter positif no za négatif no za ni. So comme on dit que ba argument na nezo pesa lo pena négatif. Boya yango. C'est comme ça. Mais biso ba congolais lo za biso yango wana. Je dis pas que tout le monde. Il y a des gens qui ba komi na ba niveau mususu. Mais c'est des minimum. Les gens qui sont en minorité, ils niveau de réflexion à l'école. Ils ont un niveau de réflexion. Ils ont un niveau de classe. Ils ont une mentalité. Ils ont un niveau de réfléchir. Ils ont un niveau de réflexion. Avant toute décision, ils ont une communication. Ils ont un émetteur, un récepteur. Ils ont recevoir un message. Ils ont un émettre. Il faut que ils ont un niveau de réflexion. Maman, pour les Mujinga, nous allons terminer par un point capital. Oui. Le sida. Ah. Na sida yoza acteur ya soin. Tout ça que solana yo, makambo explika ki mon épouse te suivait aussi attentivement. Mon fils aussi. Très bien, non, il faut dire ça aux gens. Olobi tokoki ko banga sida na niveau to za ko bangela ngote pas dans le sens ya que to ke ne ko sala ba ekobo to ata to vu ngo na tu as dit que non traitement nango et c'est changea espoir de vie et c'est changea comment est-ce que tu peux t'adresser la caméra est là expliquer toute la population qu'est-ce qui peut se passer traitement nako sala ngo ndenge nini durée ya vie et augmenter dengeni. Bon, merci pour la question wana. Na kokota mingi na ba détail té, mais na za koloba en tant que acteur ya soin donc na za infirmière. Na likambo na ba traitement parce que ozo le bela traitement. Traitement wana ya nini ya HIV. Il faut ezala la traitement moko ba o ba lobaka observant ces akoloba nini ko ba ke. Ndenge boza ko zo la traitement wana. So ba bino ke traitement na tongo nyo se faux wa mamoko. Il faut suivre le traitement. Parce que les gens qui soutiennent à l'époque, ils ont dit que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se. Non. Au jour d'aujourd'hui, le traitement ça a été évolué quand même. Et comme ils ont été malades, ils ont été malades à l'époque. Et comme ils ont été malades, ils ont été malades. Chronique, la maladie chronique. Diabète, ça n'a pas vu mon bas. Ce qui est au talien, bien, ce qu'on a dans l'angle bien, ça n'a pas vu mon bim. Hypertension artérielle, ce qu'on a observé, bah, traitement, on a collé, on a dit que c'est un peu moins de la tête, ma foutaise à la tête, bloqué, belé à la tête. Au cours que n'a pas dit, bah, bambou le belé. N'a pas copé, n'a traitement, n'a sida. Observance, c'est ça, n'a pas dit, on a comme la bakisse. Baki ses alliés et c'est évolué. Batou sous son gamon en a soigné rakuna, na kati yamakila décharge les associés. Mais le col a exact traitement, il faut suivre en vie, alors qu'on suivre quand même traitement à vie. Donc, ce qui va pèse si moutazan la maladie ou ana, va pèse si traitement, c'est vrai qu'à un moment donné, à quoi qu'on l'embanaye. Parce que nga vie, naza, banam sous bazamike, bazan a sidate, mais bazan a diabétique. Diabétique ou ana, bazan a ba insuline. Insuline tous les jours, comme il tonga. Après, kota la boy, bana msou se moment donné, ba lembara na bango, ba tiki ango ndenge wana, après délégré, et sali délégré mnan, comme ndenge yana loba. Et za sou bien te, ba zako la nan bien te, parce que ba lembaki. Donc, yango wana na kiso yon sa bazwaka, à long terme, moko boye, batou, ba lembara na bango. Mais bo lembate, so ba pesi yon traitement, et so la nan denga bien, bo la nan de traitement wana, boko vive na bino, mingi boko pe ko bota bana na lobi susuke na lobi te ke boko niko sala makambo sa po bosa maladie wana ça existe encore cette maladie mais seulement o bazana ngo boko ndepe à chaque fois boko ko mitali ça parce que on ne sait pas maladie nyo c'est un cancer eza maladie nini eza la hypertension artérielle faut que o mitali si avant possibilité ezali Et ça, il y a un cardiaque, il y a un AVC. Sauf qu'au hôpital ici avant, il y a moyen de retarder le traitement. Donc, traitement, il faut aussi le traitement. Voilà. Qu'est-ce qui fait que le cancer est au bon moment, malheur est au bon moment, mais si des salariés terreur, pourquoi? Mais maladie, c'est un des cancers, on attend le bimaki. C'est ça que le roi sida. Terreur makasi. Terreur makasi. Ce qui est malade, c'est que dans un premier temps, nan basali ba recherche, basali nan ba kisite, basali ba bloko boyete, dans un premier temps, ils ont été terrifiés. Ba tout moussou sou balobi sida, ils ont punition zan ba pesi na humanité. Ba moussou sou balobi, ils ont vaccin ou ba préparé ba tche sida na kati. Ba moussou sou balobi, pour nous yon sida, ils ont été. Mais papa, nan balobi, na koti pe na histoire vraiment ya koloba makambo ba kisite. Au mona ki ka maladie, na ko traité yango. Nga na mona ki traitement. Donc, il n'a même pas. Origine, c'est multiple. Origine, c'est multiple. Batmoussous, c'est le bébé qui est décidé, Pona, Batmoussous, c'est le laboratoire, Moussous, c'est le il n'y a pas longtemps, il a habité, il a documentaire, wana ou Batou Bazali, qui témoigner que le baquet, préparé qui, maladie, wana pour baquet de Kocha, dans la période d'apartheid, baquet Kocha d'apartheid, pour Baboma, Batou Sud-Africain, Yamouindou, Batikwa Mindel, la minorité Tika. Donc, jusqu'à aujourd'hui, Batou Moussous, c'est le lobby, que malade, on est biminde, et pas Nabissawa, Nenge, Bimaki, Ebola, Namakaku. Donc, on sait même pas, et si Kanini, et Outi. Badoussou Babi que sida ezaki maladie akala depuis 1900 donc on ne peut pas savoir et ressurgir voilà to ébité ezala ko maladie bazobazo benga mbasu mbasu mbasu o bacheye mbasu mutoko cha mutumbasu na nivoni na na comprendre eza ba ulcère batumsu sobela ki maladie moko le baseke le bimi et komi ke na moment wana ezo komela yo ozana ba immunité belete ozana oza faible et bimi et ba réaction sami et bimi c'est comme ça ya on va bi photo ça la attention. Pour nous autres, nous sommes tous les deux, place sommes tous les deux, nous sommes tous les deux, nous sommes tous les deux, nous sommes tous les deux, nous sommes tous les deux, cigarette, sommes nini, quelque chose deux, nous sommes tous les deux, nous sommes tous les deux, nous sommes tous les deux, nous sommes tous les deux, nous sommes tous les deux, les chicha. Voilà, nous fléau parce que ngai mbalasimana yaki. Nous sommes tous les deux, nous sommes bien les deux, nous sommes tous les deux, nous sommes tous les deux, nous sommes tous les deux, nous sommes tous Natangi, yango na lobaki na ba emission mobo na lobike soki olingozo eloko tanga mukande za likolo bilo ba composant za nini nga moko na vie eloko na natangi na kati wana 15% nicotine nicotine eza deja cigarette soko so meli yango 4 fois 5 fois esili okomi akro et 85% ya dioxine de carbone natalia ona simbi mutu na lobi na noko nanga oyo nde eloko zo ba ezo soigner yo dioxine de carbone. Et ça lui dépendance. Na, et ça n'a pas si, n'a que koluka, signification, il y a dioxine de carbone, pour n'a l'axabango. Mais le col, là, si, bah, kota ki na kata nicotine, bah, si, bah, kota ki na dépendance, bah, bimana kata. Na, bimana kata, bimisa bango te. Mais bon, yé, bah, que fléau, mouné, ne zoya. Bon, bah, souke, bando, y bat valier. Mbad Congolais, moutakoye, le loco, et ça bien, au kamati. Ou évite ce que vous avez dit, s'occupe aux andeni, et ça l'anga passe. Botanga ke loco bozo, botala bloni bozo lia. Nayoki moutouman watini malobakuna, ke bakina yina cimetière ya pantin, batou bazo, loba, lobaka, batou, ba gardien, wana babi, 50 Congolais par semaine. O botala biloko, to liaka, to renan à Bruxelles, tozo chaba, biloko n'yon sa nifo bosa l'attention. Bosa la attention na bloko bozo lia. Bosa la attention. Na lobela kango na zo zonge la ana, basa la attention parce que bloko mso zo lia e kwa na zoto noté. Tam so za no allergie na quelque chose. Oza na allergie bo la allergie. Allergie ane bimi na zoto ko bimba pe na sota makwanza, e ko na sota eczema, o ta la ba tianga malade. Ba tio malade te. E za ba allergie mu zoto na zo yo kana na un des composants ya eloko na te. To umeli mingi na emisho jour a jour. E zo sala nga pas na mutema. Mais tomona ka yoza muluba na ba luba paye belé oui na za muluba mukoloni mbokoza Denise Nyakeru Tshisekedi boke ndene na kasai nanu boza basemi kina et oui parce que moi j'ai dit akende kotala basemi kina et mais c'est bien mais vous bozelani té makamunyo so papa ezana ba organiser makambushi bah on va outil au coma il n'a rien zoko kala il fallait tout ce mutakomi au pays ça n'a nuta avant d'annan ndenge mino kozoba nazoka bato za Félix akeka saite soki Félix a koti lelo akeka sai lobi bwinga bolo bani tribaliste ayebika e pana bango ala kisibino ke ya azana pona démarche wana te na okende kasai mais Alex amulaite a Alexate a Alexate oyebika na kasai kuna ata 1 mètre en zéro sel mètre a ko Alexate a Alexate bolingi po mama batu bazo sala po ba pousser balou parce qu'on a révolte tout ça se révolter contre Félix ma je veux pas de ça batu ka Félix a okende a ko kende parce que na oki batu bazo ba mingi eh Félix eh ok kasaite ok kasaite c'est un gars qui est diplomate hein. Il sait ce qu'il fait bado ba fing fing ya azazo ba boy na boy mais ba fing na mtende wana te vino boy bien ngoya za te ouais ouais il est malin ouais j'espère que azavoma malin ayebi ye moko balo bagana chilu ba chin bwani bwabu chikonu ni jib tango chikonu ni jib ekoka a okay pona wa itali mama Denise. Il faut qu'on sache le programme. Je ne pense pas que dans mon thème, il y ait un bougement. Il y a un bougement. Tant que la condition, c'est qu'on se réunit, il y a un bougement. Il y a un bougement. Il y a un bougement. Ou bien, Kananga, il y a un bougement. Il y a un bougement. Il y a un bougement. Mais, il y a un bougement. Il y a un bougement. Parce que je suis mis retourner contre Félix. Félix, il y a un bougement. Non. Tant que je suis batwa ko ba susute ta baba yo ke kasai obongsika kasai ko mi bien ayi samoni ta una bandaki na kendaki wapi boso na kendai bamboka mingi boso na kendai kasai to boti katule za kasai eza poto tala mkoni tangu ya bando sala siko na kasai eza rake kana eza rake mbujumai to e basiko bato bando suko lo banini suko vino basi abalo pona ni balinga ko bala vino tro na bato nyoso ah papa ni kamwana ngana ebite ngai na aji Mama Pauline Mujinga abangi pour répondre à la question. On a dit parce que tu as peut-être une éducation mususu. Dis-moi à l'époque où nous grandissions. Non, c'est pas comme pareil. C'est pas comme maintenant. Ah d'accord. Elle est honnête. Elle vous dit ce n'est pas comme maintenant. Les choses ont changé oui, parce que le peuple africain a été acculturé. À l'endroit qui n'a carcasse n'est acculturé n'ayez, croyant qu'en pratiquant la culture des autres, vous allez évoluer. Or les autres prennent chez les autres dans leur culture, ils prennent des éléments qui peuvent renforcer leur propre culture. D'ici là, portez-vous bien. Vous avez été avec nous. Vous avez été édifié par les propos de Maman Pauline Mujinga. La prochaine fois, c'est l'association qui va être mise en exergue, nous allons devoir nous parler beaucoup plus longtemps là-dessus. Nassil ici, association Ango Gobengama Fati Solution, mais Nassil ici, Nalikamwa Banyamulenge, il n'y a pas une erreur de la part du chef de l'État, aucune. Parce que Banyamulenge, Bazaba Congolais, du fait que Mobutu a pesaka bango nationalité depuis 1971, nous disons seulement que vous avez raison de vous révolter parce que Banyamulenge va se comporter pas bien. Parce que Atako, ce qui n'a adopté moi dans l'andaku nangaï, Atako loi et lobby que à cause de la moi dans le col à Baragnon sauté, il faut y aller parce qu'ils aient pas la bangote. Parce que na carte na yé, na bomotone a yé bien que ce soit sali aden, beaucoup aden nangaï pas na yente. Cela veut dire que le Banyamulenge, je dis à vous, comportez-vous selon les justes coutumes que vous avez trouvées ici. Okay. Vous n'allez pas vivre en sectarisme. Il y a que awande mabélé na bisoté beaucoup pour na mabélé té parce que vous allez qui nangote. Ma belleza ya Congo, vous allez vivre partout où vous vous retrouvez. Vous n'allez pas choisir Minembo et Keza ya Biso, Eza ya Binote, Eza ya Congo. Vous êtes devenus des Congolais, vivez selon la loi du Congo. So total, ba Claude Makelele, ba Steve Mandanda, ba Obazo joue football kuna. Balobi c'est Steve Mandanda, Mandanda za Kombo ya ba Congolais. Il est français. Ndenga zwaki nationalité mais balobaka français d'origine congolaise ndenga zawana akoko pona teke ngana kozala kakawa comme ko lukana ba chef kutime ndenga bosala ki erreur eza owana comme vous avez reconnu votre erreur comme vous avez dit qu'on vous laisse tranquille nous allons regarder tel que Félix Alobaki prouver que vous êtes réellement congolais par votre acte vos comportements et vos actes que vous posez. Quant au chef de l'État, c'est normal, la population est là, elle veut voir aussi que Bazongi n'a droit à Bango. Cela veut dire que Ezara Batumusu, c'est que Bazali, Longola Bango. Zo commandant Fulani dans la région telle. Parce qu'on ne peut pas donner une première région militaire à quelqu'un qui a eu une nationalité, mais à mon cas, il y a beaucoup de zoate. Bah, Longwa, bah, général Nyon, soyo, bah, tchaki, tchaki, wana, bah, comme on dirige, faut bah, Longwa. Bon, zo, bah, Congolais, bah, placé. Ça, on veut. décentralisation à pays comme Zara Narubero, c'est clair. Il ne peut pas décentraliser lui. Il est Rwandais qui vit au Congo et qui a la nationalité congolaise. Il ne peut pas décentraliser ce pays. Bon, on a un peu de pour que la population soit tranquille. Amour, pia!